Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est avec toi, est avec moi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Il ne t'abandonnera jamais. Même si tu te trouves sur la vallée de l'ombre de la mort, au bas fond là-bas, même dans un trou, même dans l'estomac d'un poisson comme Jonas, il te sortira de là. Tu traverses juste une épreuve parce qu'il veut t'enseigner. Quand tu sortiras de là, tu seras plus fort et tu pourras demain affronter Goliath. Et tu pourras dire comme David, Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion, Goliath, tu n'as aucune chance car je connais l'Éternel. Je sais ce qu'il a fait pour moi lorsque l'ours m'avait attaqué. Je l'ai vu à l'œuvre le jour où le lion m'avait attaqué. Donc, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Goliath, je n'ai pas peur de toi. Ok, bien-aimé, ce n'est pas le sujet, ce n'était qu'une exhortation. Tout dernièrement, on m'a parlé d'un bien-aimé que je connais très bien. On m'a appelé la nuit, le frère est mort. Il sera enterré mardi. C'est un bien-aimé que je connais. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne, parce que c'est toi qui nous as sauvés. Et j'ai passé toute la journée, j'étais triste. Je me suis dit, le frère est parti, peut-être mon tour, c'est pour bientôt. Mais je n'ai pas peur, bien-aimé. Mais je vais lire dans Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 4. Il est écrit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ecclésiaste 3. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Sous le soleil, un temps pour tout. D'accord? Bien-aimé, je veux faire un petit résumé de ce que tu connais déjà par rapport au diable et ses démons. Au ciel, un jour, le diable, dans son orgueil, décide d'être égal à Dieu. Je vais lire dans Ésaïe, chapitre 14, au verset 12. Voici ce qui est écrit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Le diable, vous vous rendez compte? Mais il a oublié qu'il n'était qu'une simple créature. C'est comme j'ai l'habitude de dire, l'homme peut fabriquer une voiture, le contraire est impossible. La voiture ne peut pas fabriquer ou créer l'homme. Dieu nous a créés, on ne pourra pas créer Dieu. C'est ce que le diable a oublié. C'est-à-dire que Dieu est au-dessus de sa créature. La créature, attends, Dieu est un Dieu. Merci Père de ce que tu es au-dessus, largement au-dessus de ta créature. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est alors que cet orgueilleux du diable, dans son plan, il a réussi à séduire des anges. Certains anges qui l'ont suivi dans cette folie, ils se sont préparés. On va faire un coup d'état. Nous aussi, on serait égal à Dieu. Satan leur a dit, ok, je vais vous donner des postes dans mon gouvernement. Ils l'ont suivi. Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, et les anges de Dieu les ont tabassés. Ils ont été jetés comme des sacs poubelles sur la terre. Quand ils arrivent sur la terre, écoutez-moi bien. Dieu décide de les punir. Le diable et les anges qu'il avait suivis. Dieu crée alors l'enfer, les temps de feu. Les temps de feu. Pour le diable et ses démons-là, pas pour l'homme. Quand le diable arrive sur terre, il a jeté un coup d'œil. Il voit un couple tranquille, dans la paix, dans la joie, en relation avec Dieu. Adam et Ève, ils sont tranquilles dans leur coin. Ils adorent le Seigneur. Ils étaient nus. une relation parfaite avec leur Dieu. Ils avaient la nourriture, ils avaient la paix, ils avaient la joie. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'insécurité. Ils étaient dans la joie, dans l'amour de Dieu. Le diable a regardé, il a dit, hey, regardez ces gens-là qui sont là-bas. Celui qui m'a vaincu là, ils sont en train de l'adorer. Bon, on va les attaquer. C'est alors qu'il va passer par Ève. Ils sont tombés dans le péché. J'essaie de faire un résumé court. Ils tombent dans le péché. Le diable a dit, comme ils sont tombés dans le péché, à partir de maintenant, leurs descendants seront de notre côté. Parce que comme le péché est déjà dans leur sang, les enfants qui naîtront d'eux auront déjà la semence en eux. Et c'est ce qui est arrivé. Regardez tous les païens du monde. Il y a la semence du péché. Le diable s'est mis à danser. Ouais, on a réussi. Dieu croyait que moi et mes démons, on va aller dans le lac de feu. Oh Dieu, tu t'es trompé. Parce que maintenant, Adam et Ève et sa descendance, et moi et mes démons, d'accord, on va là-bas. Tu vois, tu croyais que c'est moi qui ira là-bas, moi et mes démons. Mais regarde les hommes. Je sais que tu aimes les hommes. T'as vu, j'ai réussi. Je les ai tous amenés de mon côté. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Tous les hommes étaient privés de la gloire de Dieu parce qu'ils avaient tous péché. C'est comme ça que Satan a réussi à entraîner tous les hommes dans le péché. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que et comme la Bible dit, c'est l'âme, écoutez-moi bien, c'est l'âme qui pêche, qui mourra. C'est ce que la Bible dit, l'âme qui pêche mourra. Donc, ça, comme Satan a réussi à amener tous les hommes dans le péché, il savait que bon, Dieu a échoué dans son plan. Il croyait que moi et mes démons, on sera dans les temps de feu. Non, tous les hommes, je les amène là-bas. Mais le diable est bête. Dieu est Dieu, il est au-dessus de toute intelligence, au-dessus de toute connaissance. Dieu n'a jamais dit, ah, ça me dépasse. C'est pas dans le langage, il n'y a rien qui lui dépasse. Il n'y a rien où il va dire, enfin, franchement là, je suis au pied du mur, je ne sais pas quoi faire, là ça me dépasse là. Non, Dieu a la solution. Il est Dieu, il est au-dessus de tout ce qui existe, spirituellement et physiquement. Il n'est jamais limité. Dieu trouve la parade, une solution. Mon fils, on va régler ça. Parce que celui-là croit que je ne sais plus quoi faire. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu envoie son fils sur terre. C'est pour payer pour nos péchés. Nous avons la délivrance par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est précieux. C'est le sang de Jésus qui purifie ton âme. Une âme impure ne peut pas aller vers Dieu. Jésus-Christ va porter sur lui tous les péchés des hommes. Tous les péchés. Quel que soit le grand criminel, même un criminel comme Hitler que vous connaissez, Jésus a porté ses péchés sur lui. Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu n'a pas dit, toi, tu es grand pécheur. Non, reste là-bas. Non, le salut aujourd'hui, c'est pour tout le monde, quel que soit ton péché. C'est pourquoi Jésus a tout accompli à la croix. C'était pour nous délivrer. Quand Jésus va rendre l'âme à la croix, la Bible dit, il est descendu au séjour des morts, aller prêcher aux personnes qui étaient là-bas, qui étaient en prison. Jésus arrive là-bas, il a brisé les chaînes pour les libérer. Bien-aimés, soyons reconnaissants, réalisons la grandeur, l'acte que Dieu a posé pour nous. Je voudrais vous dire au passage que c'est le diable qui détenait les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que c'est lui qui gérait le séjour des morts, c'est lui qui le gérait. Jésus-Christ l'a vaincu, Jésus a arraché les clés. C'est pourquoi Jésus peut libérer les prisonniers. Tu ne peux pas libérer les prisonniers d'une prison si tu n'as pas les clés de la porte. Tu ne peux pas, il a fallu que le diable soit vaincu pour que Jésus arrache les clés. C'est pourquoi nous sommes délivrés aujourd'hui. Les prisonniers qui sont en prison là, il faut avoir les clés pour ouvrir la porte, pour les libérer. Jésus a les clés aujourd'hui. Donc peu importe ton péché, peu importe ce que tu fais, que tu sois dans la drogue, que tu sois criminel, peu importe le péché, Jésus peut te libérer parce qu'il détient les clés. Mais, avant que Jésus n'aille à la croix, il a dit à ses disciples, « En 3 jours, je reviendrai. » l'amène dans le sépulcre. Vous connaissez, hein, je suis obligé de rétrécir le résumé. Il était dans le sépulcre. Mais un jour, Marie de Magdala, elles sont allées pleurer. Lorsque Marie regarde dans le sépulcre, elle ne voit plus le corps. Elle s'est mise à pleurer. Mon Dieu, mon Seigneur, qui l'a pris? Et du coup, elle voit un ange de Dieu du côté des pieds, où étaient les pieds de Jésus, et un autre ange du côté de la tête. L'ange lui dit, femme, pourquoi tu pleures? Et au même moment, elle entend une voix derrière, c'est Jésus qui l'appelle Marie. Quand elle se retourne, elle est contente de voir Jésus debout. Donc elle a envie d'aller sauter sur Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il ne faut pas me toucher. Mais seulement, va dire à mes frères que tu m'as vu. Va dire à mes frères et soeurs que je suis ressuscité comme je l'avais dit. Va les voir. Quand Marie vient faire le rapport, il y avait un disciple qui n'était pas là, Thomas. Thomas dit, quand on va rencontrer Thomas, Thomas, le Seigneur est ressuscité, on l'a vu. Arrêtez. Moi, si je ne vois pas de mes yeux, si je ne touche pas de mon doigt, je ne peux pas croire. C'est alors qu'un jour, alors qu'ils étaient ensemble, Jésus apparaît. Thomas, j'ai entendu ce que tu as dit. Viens, je suis là, viens vérifier, puisque tu veux la preuve, je suis là, viens me toucher. Heureux ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Heureux ceux-là. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Toi, tu veux d'abord la preuve pour croire. Heureux ceux qui croiront. Vous connaissez l'histoire. Dans l'évangile de Jean, Jésus va faire cette prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Seul le fils de la perdition est allé à la perdition. Jésus est content. Père, j'ai tout accompli. Tout accompli. Tout comme Dieu le Père le voulait. Et Jésus, avant de partir, va dire à Simon Pierre, je vous ai dit, je fais un résumé court. Simon Pierre, m'aimes-tu? Ah oui, Seigneur, je t'aime. Tu m'aimes, Simon, 3 fois, je t'aime. Alors, paie mes brebis, Simon. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Parce que Jésus savait qu'il va partir. Il faut que Pierre reste à gérer tout ça. Jésus donne la parole. Et Pierre donne la parole, la révélation, pour nourrir les brebis. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, dit aux chrétiens de Corinthe, je vous donne le lait parce que vous êtes encore charnels, vous êtes encore des bébés. Bref, quand Jésus va au ciel, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez la fête. Le Père est dans une joie vraiment complète. Imaginez l'accueil qu'il a eu avec son fils. Mon fils a tout accompli. Mon fils a tout accompli. Il a fait exactement ce que je voulais. Oh, quelle joie! Le Père l'a embrassé. Mon fils. Nous avons dans le livre d'Hébreux, bien-aimés, quelque chose. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Oh là là, nous avons dans le livre d'Hébreux, excusez-moi, Hébreux chapitre 1, pour que vous ayez une idée des paroles qui sortiront de la bouche du Père, l'Éternel notre Dieu. Hébreux 1 au verset 8, mais il dit au Fils, il c'est Dieu, Dieu dit au Fils, à son Fils, ton trône, Hébreux 1, 8, ton trône, oh Dieu, vous voyez, Dieu appelle Jésus Dieu, Jésus que c'est Dieu, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Dieu est un bon Dieu. Dieu est content. Il a élevé au-dessus de ses semblables. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Dieu, ton Dieu t'a oint Dieu a un Dieu. Gloire à Dieu. L'intelligence de l'homme est perdue là. La sagesse humaine est perdue, ne comprend pas ça. Bon, bref. Je vais lire, bien aimé, dans quelque chose d'intéressant. Oh, béni soit l'Éternel notre Dieu. Oh, que toute la gloire te revienne. Merci, papa, que ton nom seul soit béni. Oh, frère, je vais lire dans Apocalypse, chapitre 19. Le Père est content. Il a élevé Jésus au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom. Il dit, tout genou va fléchir devant toi, dans les cieux, sur la terre, sous terre. Sur un trône très élevé, Jésus-Christ règne éternellement. Son règne n'a point de fin. Bien-aimé, il est mieux pour toi, homme, de ne pas avoir affaire à Jésus. Tu as intérêt à être son ami. C'est un conseil que je te donne. Parce que sur terre ici, tu peux être en désaccord ou un ennemi d'un chef d'État. Un chef d'État est au trône pour un temps. Si c'est un dictateur, un jour la mort le frappera, il partira. Mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne va jamais mourir et son règne est à vie, il est mieux d'être son ami que d'être son ennemi. Parce que lui ne va jamais céder le trône. Parce qu'il n'est pas sur le trône pour un mandat de 10 ans. Il est sur le trône pour l'éternité. Pour l'éternité. Donc toi qui es ennemi de Jésus, pitié pour toi. Lui n'est pas là pour un temps pour dire, bon d'accord, je suis contre lui. De toute façon, il est là pour 20 ans, après il partira. Il est sur le trône pour l'éternité. Pour l'éternité. Je vais lire dans Apocalypse au chapitre 19, au verset 6. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Ô Seigneur, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre. Un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant peu, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les noces de l'agneau. Dieu est content. Jésus-Christ a reçu un trône très élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a placé à une position où tout genou doit fléchir devant lui. Tout genou. Tout. Mais l'épouse, puisque le sang de Jésus a coulé pour l'épouse, non seulement l'épouse est libérée de l'emprise du diable, puisque c'est Jésus qui peut ouvrir aujourd'hui. En plus, le sang de Jésus a lavé l'épouse. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Parce que le péché avait souillé nos âmes. Donc le sang de Jésus nous purifie. Donc l'épouse est propre. Vous comprenez que sans le sang de Jésus, personne ne peut être sauvé. Toute personne qui croit en Dieu et qui ne passe pas par Jésus, qui ne croit pas que Jésus est le Messie, ne peut pas être sauvé. Parce que Jésus est la vérité. Il a dit personne, nul, nul ne peut aller à mon Père autrement que par moi. Il n'y a pas autrement, il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Il a dit, il n'y a pas un autre moyen, pas autrement, il n'y a pas une autre façon de faire. Je suis le seul chemin. On ne peut pas aller à Dieu autrement. C'est Jésus qui le dit. Donc regardez toutes les religions qui ont écarté Jésus, ils perdent leur temps. Parce que Jésus dit, personne ne peut aller à Dieu autrement. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas un autre passage. Je suis le seul passage. Je suis la seule porte pour aller à Dieu. Donc vous comprenez que toutes ces religions, l'islam, bouddhisme et tout le reste, la rose-croix, la franc-maçonnerie, personne ne peut aller à Dieu autrement, dit Jésus. Il n'y a pas un autre moyen qui existe sur terre si ce n'est que par lui. Quiconque n'est pas en Jésus est déjà perdu d'avance. C'est pourquoi Satan a créé des religions. pour égarer les âmes, pour amener le maximum de personnes à l'égarement, loin de Jésus. Jésus dit, on ne peut pas aller à Dieu autrement. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est que par moi. Le Père est content. Il décide d'offrir un repas à son fils et à son épouse. Les chrétiens nés de nouveau qui marchent dans la sanctification. Bien-aimés, c'est très important. Ça devrait nous encourager à lire la parole et rester fidèle au Seigneur. Je vais lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le Seigneur lui-même, la Bible dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On m'a annoncé pour le bien-aimé, il a été enterré mardi dernier. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien-aimé, je continue la lecture. Verset 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus va s'arrêter dans les airs. Jésus ne vient pas ici, il s'arrête dans les airs. C'est nous qui partons de la terre pour aller le rencontrer dans les airs. Pour aller aux noces, la grande fête. Mais les personnes qui partiront là, que ce soit les gens qui sont enterrés aujourd'hui, des chrétiens de renouveau, que ce soit ceux qui vivent encore, il n'y aura pas de voyage. Si je vais dire, aux noces de l'agneau, il y a un nombre de places que Dieu seul connaît. N'est-ce pas? Toutes les places doivent être occupées. Il n'y aura pas un premier groupe qui est arrivé comme les fêtes des hommes. Parce que les fêtes des hommes, c'est quoi? Quelqu'un fait un mariage, il fait un repas, une soirée pour le repas. On dit bien aux gens, le repas commence à 21h. Vous avez des gens qui arrivent à 23h. Mais ça, c'est des hommes, mais les noces de l'agneau, ce n'est pas ça. La Bible dit, les morts en Christ ressuscitent en premier et ensemble avec nous, nous partons au même moment dans les airs. Il n'y aura pas de retardataire, il n'y a pas de retard là-bas. On ne va pas devancer ceux qui sont morts. Ils ressuscitent en premier et nous aussi. La Bible dit, bien aimé, c'est important. Dans, je crois que c'est dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le chapitre 15 d'1 Corinthiens parle des nouveaux corps. C'est-à-dire qu'en un instant, nos corps seront changés. Avant d'aller dans les airs, ton corps va d'abord changer. Parce que tu ne peux pas aller avec un corps terrestre là-bas. Nous allons revêtir des corps célestes. Je voudrais encourager mon frère, ma soeur en Christ. Sur cette terre, tu as reçu Jésus, gloire à Dieu. Sur cette terre, tu étais infirme, handicapé, tu n'avais pas de pieds, tu n'avais pas de bras. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, c'est le corps physique. Quand tu vas être transformé là, tu auras tes deux pieds, tes deux mains. Parce que c'est ton corps physique qui a ce problème. Mais ton âme et ton esprit n'ont pas ce problème. Pour la première fois de ton existence, tu vas sauter sur tes deux pieds, sur tes deux mains. Et tu auras un corps qui n'a rien à voir avec le corps que tu as là. Parce que les corps terrestres vont disparaître. On va revêtir les vrais corps. Quel que soit le frère en Christ handicapé qui est mort il y a cela 10 ans, quand il va sortir du tombeau au son de la trompette, il ne sera plus handicapé. Frère, Jésus-Christ a dit, lorsqu'une femme lui versait un parfum dessus, certains ont cru que la femme était en train de gaspiller un parfum de valeur. Mais Jésus a dit, celui qu'on pardonne peu aime peu, celui qu'on pardonne beaucoup aime beaucoup. Je peux vous dire que celui qui était valide, quand il va crier le nom de Jésus, quand il ira dans les airs, et celui qui n'a jamais marché dans sa vie, je vous dis, le cri ne sera pas le même. Le frère qui est là dans le tricycle, durant toute son existence sur la terre, ce jour-là, il aura ses deux pieds avec un corps nouveau. Oh, je vois ce frère sauter. Je vois cette soeur chanter. Oh là là, il va chanter plus que moi. Parce que lui, il est en train de vivre quelque chose qu'il n'avait jamais connu sur terre. Je le vois danser. Je le vois bousculer Jésus-Christ. Il n'avait jamais connu l'usage des bras. Il n'avait jamais marché sur terre. Le voilà debout, fort. Je voudrais vous dire qu'on va revêtir des corps célestes. Dans un corps céleste, il n'y a pas de défaut. Tu seras dans une beauté que tu ne connais pas, qui dépasse ton imagination. La beauté. Parce que les corps que nous avons sur terre, c'est les corps que nous avons hérités du sang de nos parents. Parce que ta naissance, c'est un rapport entre ton père et ta mère. Tu es le produit de ce rapport-là. Le sang de ton père est souillé par le péché. Le sang de ta mère est souillé par le péché. Tu es un produit venant du péché. Je parle ici à des hommes spirituels, pas à des hommes charnels, parce que les hommes charnels vont mal l'interpréter. Je voudrais tout simplement dire que si tu as le sida, la femme aussi a le sida, il est probable que l'enfant naisse avec ça. Parce que tu hérites, tu es formé du sang de ton père et ta mère. C'est pourquoi le péché est descendu sur tous les hommes. Il vient d'Adam et Ève. Nous, on n'était pas dans le jardin d'Éden. Mais on a eu le péché parce que le péché va circule par le sang. Bien-aimé, toi qui es malheureuse, toi qui es abandonnée par ton mari, toi qui souffres, la Bible dit « Dieu va essuyer nos larmes ». Si le Seigneur pouvait te montrer ce qui t'attend, mon frère, ma soeur, tu vas lire la Bible tous les jours. Tu vas même abandonner ton boulot. La gloire de Dieu t'attend. Dans un monde merveilleux. Dans un monde où il n'y a pas de critique. Dans un monde où il y a de l'amour dans les cœurs. Dans un monde où il n'y a pas d'insécurité. Dans un monde où il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de jalousie. Dans un monde où il n'y a pas de différence. Je voudrais que tu saches, mon frère, que quand les différences sont sur terre à cause du péché, c'est pourquoi tu vas voir celui-là obèse, l'autre est mince, celui-là est grand, l'autre court. Ça, c'est le résultat du péché. C'est le péché qui a détruit la création. C'est le péché. Parce que le péché a amené la mort. C'est pourquoi tu vois des différences. C'est pourquoi l'homme vieillit. C'est le résultat du péché. Au ciel, on ne vieillit pas. Parce qu'il n'y a pas la mort là-bas. Tu seras dans la gloire. Au ciel, il n'y aura pas de celui-là est gros, celui-là est mince. Au ciel, il n'y aura pas de celui-là fait 1m90, l'autre fait 1m50. Il n'y aura pas ça là-bas. Parce qu'au ciel, c'est la perfection. La perfection de la beauté. Perfection. Il n'y aura pas celui-là est grand, l'autre est court, celui-là est gros, l'autre est mince. Il n'y aura pas ça là-bas. Bien-aimé, tiens la main de Jésus. De toutes tes forces, n'abandonne pas le Seigneur. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres sur terre, tiens le Seigneur. De l'autre côté là, tu vas danser. La Bible dit, nos frères qui ont déjà été enterrés, on ne va pas les devancer. On ne sera pas dans le premier groupe du voyage parce que Jésus s'arrête dans les airs. Il va venir et il s'arrête dans les airs. C'est là-bas qu'il nous accueille, dans les airs. Et nous, on va quitter ici avec des corps transformés. Mais premièrement, quand l'ange va sonner la trompette, ce sont nos bien-aimés enterrés aujourd'hui qui vont sortir en premier avec des corps nouveaux. Au même instant, nous aussi, on va être transformés et ensemble, tout le monde dans les airs. Imaginez faire le chaos qui va se passer sur terre parce que des millions de personnes dans tous les pays ont disparu. Ça va être le boucan. Le monde va connaître ce qu'il n'a jamais connu jusqu'à ce jour. Dans tous les flashs, dans toutes les télévisions du monde, on parlera que de cet événement. Oh, mesdames et messieurs, un événement vient de se passer. Nous avons des disparitions inexpliquées. Ils vont chercher à savoir, mais il y a des maisons vides, il y a des voitures, il y a machin. Ils sont partis où? Parce qu'eux ne croient pas en Dieu. Ils vont dire, c'est des disparitions inexpliquées, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui va arriver? Les faux enfants de Dieu qui venaient dans les églises et qui entendaient les prédications sur l'enlèvement de l'église, c'est eux qui auront la réponse, mais les païens ne vont pas les croire. Ils diront, oui, quand on allait dans les églises, on avait entendu que Jésus va, nanana, Non, on ne va pas parce qu'ils auront affaire à des païens. Le monde aura recours à des astrologues, à des voyants pour expliquer le phénomène. Satan va commencer à les jouer. Et après, ce serait la grande tribulation. Un jour, si le Seigneur le veut, je parlerai de la grande tribulation. Mais pour le moment, je suis en train de te dire, bien-aimé, même si tu rencontres des difficultés, ton mari t'a abandonné, tu es avec des enfants, tiens ferme. Parce que le bonheur, le vrai bonheur t'attend. Ce n'est pas le bonheur de la terre. Le vrai t'attend. Résiste au Seigneur. C'est ce que je tenais à te dire. Tes difficultés là vont disparaître. Il n'y aura pas ça là-bas. C'est pourquoi je disais, toi qui ne crois pas en Jésus, toi qui raisonnes, mais tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'on peut être contre un chef d'État qui règne. Le chef d'État a un mandat limité. Soit il quitte le trône à la fin de son mandat, soit la mort le frappe. Un jour, il partira. Mais Jésus, le Père l'a mis sur un trône très élevé pour l'éternité. Il n'est pas là pour 2 jours, ni pour 3 ans. Il est là à vie. Donc, si tu lui joues dur, tu te fais du mal toi-même. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot quand tu vas mourir. C'est lui qui te juge. Les anges exécutent ses ordres. C'est Jésus qui donne les ordres, les anges ne sont que des exécutants. Tu ne pourras pas dire, Jésus dit, amène-le dans le cachot. Et tu vas dire à un ange, oh s'il te plaît, tiens une enveloppe. La justice sera la vraie justice. C'est-à-dire, tu as intérêt à donner ta vie à Jésus, c'est gratuit. Jésus a tout payé à la croix. Jésus est prêt à te pardonner tes péchés, quels que soient les péchés. Quel que soit ce que tu as fait sur terre. Quel que soit ça. Ma soeur, j'avais reçu ça tout dernièrement. Toi qui as avorté, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Parce que l'avortement aux yeux de Dieu, c'est l'assassinat, c'est comme c'est un crime. Il faut demander pardon au Seigneur Jésus. Vous savez, la justice de Jésus, ce n'est pas la justice des hommes. La justice des hommes, c'est quoi? Tu vas voir le magistrat ou le juge, tu lui glisses un pourboire, une enveloppe, et puis il rebelote. Il dit que c'est toi qui as raison, alors qu'il a reçu une enveloppe. Tu ne pourras pas faire ça avec la justice de Dieu. Tu ne pourras pas glisser à Jésus une enveloppe. Il n'a pas besoin de ça. Tu ne pourras pas. Il est riche. Il n'a pas besoin de ton petit pourboire. Comme les hommes. Quelqu'un va te juger. Ils savent très bien que tu es coupable. Si tu lui glisses une petite enveloppe en coulisses, ça y est, il vient dire que ça y est, tu as raison. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bientôt, nous allons voyager. Bientôt, le grand voyage, bien-aimé. Toi qui es désespéré, tiens ferme. Le vrai bonheur t'attend. Tiens ferme. N'abandonne pas. Que le Seigneur vous bénisse.